bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je me trouve dans un lieu exceptionnel qui mérite bien sa place dans cette introduction, le Meurice. L'hôtel 5 étoiles affole les gourmands du monde entier qui viennent y acheter, presque religieusement, une pâtisserie en forme de noisette, de pomme ou encore de citron. Fermez les yeux et imaginez que Magritte s'est reconvertie en brillant chef pâtissier. Tapez « Le Meurice » dans Google et vous verrez que le nom de Cédric Grolet y est systématiquement accolé. Et pour cause, le célèbre chef, sacré meilleur pâtissier du monde en 2017 et 2018 à tout juste 32 ans, y déploie tout son talent et sa créativité. Vous savez, j'ai eu des difficultés à rédiger cette intro. Est-ce que je détaille son parcours hors normes? Est-ce que je rappelle brièvement toutes les distinctions qu'il a reçues, les bouquins qu'il a écrits? Et puis en fait, j'ai réalisé qu'il suffisait d'aller faire un tour sur son compte Instagram pour comprendre. En attendant, bonjour Cédric, un immense merci de soutenir mon projet. Aujourd'hui, vous allez nous parler, ou tu plutôt, puisqu'on a décidé de se tutoyer. Tu as décidé de me parler du jour où tu as échoué à un concours. Bonjour, je dis souvent que le côté ne tue pas rend plus fort. Chaque étape de ma vie, chaque moment de ma carrière, j'ai eu des étapes plus difficiles que d'autres. Et un moment qui me revient vraiment par rapport à ma carrière, c'est quand j'ai fait ce concours au Salon du Chocolat. C'était aux portes de Versailles. Ça s'appelait le Charles Proust. Mmh. On me demandait de sculpter une pièce en chocolat, 50% de chocolat et 50% de sucre tiré, et faire des entremets sur mesure. Et le thème était la Saint-Valentin. D'accord. C'était en quelle année, ça? C'était il y a, je pense, 10 ans. Parce que ça fait 8 ans que je suis au Meurice. C'était même pas un peu plus, 12 ans, 10-12 ans en moyenne, à peu près, je pense. Je l'ai fait une fois, j'ai mis 2 ans d'entraînement, tous les week-ends, les sorties, les vacances. J'ai stoppé pendant 2 ans et je me suis entraîné sur ce concours-là à vouloir venir sur le podium, même premier. C'était quoi ton idée pour y arriver? C'était de faire quelque chose vraiment avec du chocolat sur mesure. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui sculpte énormément. Et quand j'ai commencé à sculpter cette pièce, j'avais sculpté un homme et une femme. Il y avait à peu près 100 kilos de chocolat, 90-100 kilos de chocolat. Et j'avais sculpté 2 humains, en fait, pratiquement en taille réelle. Et je les avais rassemblés ensemble. Et il y avait plein d'indices qui rappelaient l'amour, en fait, entre deux. Et en plus, je crois que le chocolat, c'est une matière qui est particulièrement dure à utiliser, non? Aujourd'hui, on a des techniques extrêmement pointilleuses. Ça veut dire qu'on va utiliser des moules, on va utiliser des choses qui vont faire que le chocolat est beaucoup plus facile à utiliser. Je n'avais pas les moyens de m'acheter les moules, je n'avais pas de moyens d'avoir des chefs qui m'aident énormément. Et je me suis débrouillé tout seul pour pouvoir sculpter ces pièces chocolat sur mesure. Et donc, durant toute cette année, toi, dans ta tête, tu te dis « je veux remporter ce prix-là ». Voilà, j'ai travaillé énormément mes week-ends, mes soirées, mes jours off, mes vacances, et je me suis dit « je vais arriver jusqu'au bout pour faire ce concours ». Et préparais comment mentalement à ça? Ben, c'est pas vraiment mentalement à se dire, c'est juste à se dire, je fais des sacrifices sur ma vie aujourd'hui, sur des choix de plaisir, je vais les mettre de côté pour pouvoir avoir plus tard. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire, de toute façon, si je bosse tout le temps, ben c'est sûr que j'arrive premier. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui... Si on nous répète tout le temps, quoi que tu fasses, ça va finir par payer. Oui, exactement. On n'arrête pas de se dire, un jour, je vais voir vraiment la différence dans ce concours-là et on va ressentir ce que je fais, ce que je redonne, ce que je fais sortir dans mon travail. Et au bout du compte, j'avais sorti une très belle pièce, tout s'est bien passé. Et le jour J, quand je suis allé sur place ramener cette pièce en chocolat, ça a été un désastre. Oh. L'idée était de ramener une pièce finie sur place, donc je l'ai amené sous verre dans un camion. Avec le stress qui l'accompagne, j'imagine. Parce qu'elle peut casser à tout moment. Très stressante, mais ça s'est très bien passé. La pièce est arrivée en place parfaitement. Mais ensuite, j'avais une deuxième pièce à faire sur place avec des entremets. Et il m'arrive un truc dingue, je ne l'ai jamais dit à personne, je n'ai même pas honte, mais ça a été extrêmement dur pour moi de vivre ce moment-là. J'étais sur la scène du Salon du Chocolat et j'étais en train de coller une pièce, un morceau de ma pièce en chocolat devant le public qui me regardait travailler. Et j'avais besoin d'un chalumeau pour chauffer ma pièce pour que mon chocolat fonde. Ouais. Et ce chalumeau est tombé sur la scène et ça fait prendre en feu le rideau de la scène. Et donc, du coup, ça m'a... C'est une scène de film, ce que tu es en train de me décrire. C'est pas possible. Ça a été, pour moi, un énorme stress. Ils ont été obligés d'arrêter un petit peu le concours, de mettre l'instincteur. Moi, j'étais complètement stressé. J'ai cassé ma pièce et plus rien s'enchaînait. J'ai arrêté, j'ai abandonné. Ça déstabilise complètement. On a plus la concentration du tout sur ce qu'on fait. Ça a été... Je voyais juste ce rideau tout brûlé à cause de moi. Et donc, du coup, je me suis ressenti vraiment... à la fois pas de chance et à la fois je me suis dit Cédric, c'est quelque chose d'important, c'est que j'ai beaucoup travaillé mais je n'ai pas assez suffisamment travaillé avec ma tête. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de travail sur la pâtisserie mais pas sur l'organisation et pas sur la façon de voir les choses quand je serai le jour J à mon concours. Et donc, tu t'es pas préparé, t'as pas visualisé, c'est ça? Je pense que ça n'a pas été tout simplement assez préparé. D'accord. Il fallait, je pense, chaque minute passée à ce concours devait être calculée pour faire les choses. Et moi, je suis quelqu'un qui est plutôt spontané, qui va faire naturellement les choses. Et quand je suis arrivé à ce concours et j'ai commencé à faire ma pièce en chocolat, j'étais stressé par rapport au nombre de personnes qui m'ont regardé travailler. Je n'ai pas été assez cadré. J'ai pas de gens qui m'ont coaché. Et donc, du coup, je me suis retrouvé un peu dans un bain où c'était beaucoup trop de pression et je n'ai pas réussi à sortir ma pièce comme je voulais. D'accord. Donc ça, c'est le premier concours que tu rates. Oui, j'ai commencé les concours à l'âge de 16 ans. J'ai fait les meilleurs apprentis de France, que j'ai réussi. J'ai fait les meilleurs apprentis d'Auvergne, d'où je viens. J'ai réussi. J'ai réussi des pièces en sucre. J'ai arrivé toujours premier. Et ce concours était vraiment au-dessus. Donc je me suis dit, j'ai l'habitude d'arriver premier, je vais aller premier encore. Et je l'ai raté. Et je me suis dit, Cédric, tu l'as raté, tu vas le recommencer dans 2 ans et tu vas recommencer à tout travailler, tout refaire, mais que ça soit encore mieux. Pour l'ego, c'est un peu compliqué aussi quand on a eu l'habitude d'être premier assez régulièrement. Ouais, c'est même pas une question d'ego, mais c'est une question de personnalité et de challenge. J'aime faire les choses jusqu'au bout et de les faire et surtout de réussir. Je n'aime pas me dire j'ai pas réussi, je passe à autre chose. Non, c'est pas possible. Tant que j'ai pas réussi, je n'abandonne pas. Je veux toujours aller le plus loin possible. Et je me suis dit, je recommence ce concours. Donc, toute ma famille était en panique. Mes amis m'ont dit, mais on va jamais te revoir, t'es fou, c'est bon, c'est rien, c'est qu'une pièce en chocolat. Pour moi, c'était pas qu'une pièce en chocolat. C'était pas pour un concours. C'était pour moi, Cédric. Toi, c'était ton Qu'est-ce que je suis capable de faire? Ouais. Donc, j'ai tout remis en œuvre. J'ai pris un apprenti avec moi qui a bossé pendant 2 ans à mes côtés. On a travaillé énormément dessus, sur la pièce. Donc, pour un concours, c'est 2 ans? Ça dépend. Des fois, c'est beaucoup plus long, des fois, c'est moins long. Ça dépend des niveaux de concours. C'est de la préparation et de la préparation et des essais. Aujourd'hui, ce qu'on aime dans les concours, c'est de voir des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir créer des nouvelles techniques de la pâtisserie pour faire voir que c'est vraiment mis en avant, qu'il y a beaucoup de création derrière. Donc, ça prend énormément de temps. Les essais, c'est très, très, très long à faire. Et du coup, j'ai dit, OK, cette fois-ci, ils ne m'auront pas. Je vais faire le truc parfaitement et je vais vraiment y arriver. J'ai pris de l'assurance, j'avais fait l'essai, j'avais pas marché, j'ai dit, je vais le refaire. Et ça a été encore pire. Oh. Ça a été encore pire. C'est bien pire. Pour mon podcast. On est dans le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la pièce chocolat, j'avais tout préparé, les moules étaient encore plus beaux, la couleur était encore mieux, l'idée était encore mieux, tout était vraiment extrêmement bien pensé. T'avais imaginé quoi pour cette deuxième tentative? Alors là, c'était un autre sujet, c'était Noël au XXIe siècle. Et donc du coup, j'avais fait un 2 et un 1 qui étaient artistiquement extrêmement grands et fins et qui ressemblaient à un sapin de Noël. Et ensuite, en dessous du sapin de Noël, dans le 2 et le 1 qui se rassemblaient en hauteur, en dessous, il y avait la terre, toute sculptée en chocolat. Oh là là. Et en fait, il y avait un tube en sucre qui rentrait dans la terre et qui faisait le tour avec des flèches. Et la bûche était posée à l'intérieur, elle faisait le tour du monde. Et ensuite, en dessous de la terre, on avait un glacier qui était en train de fondre pour faire voir que la problématique de la terre, en fait. Et donc, il y avait les glaciers qui fondaient. Et il y a des petits cadeaux de Noël en dessous en sucre, avec des rubans en sucre, qui c'est tombaient dans la mer, en fait, dans l'eau. C'est de la haute couture. Comment ? C'est de la haute couture. Oui, c'était en fait beaucoup d'imagination. Aujourd'hui, c'est rechercher l'imagination et de pousser le concours, c'est pousser au maximum de ce que vous êtes capable de faire. Au jour J, j'étais tout prêt, tout est prêt à partir. On commence à finir mes derniers gâteaux, mes derniers réglages, tout ça. Et en fait, ma pièce, j'ai commencé à la clocher. Il faut mettre une cloche pour protéger le sucre, pour pas qu'il fonde. Et avec mes assistants, on a commencé à porter la pièce. Et on n'est même pas arrivé dans le camion, c'est qu'elle s'est écroulée la veille du concours. Donc c'était une pièce que j'ai bossé depuis 2 ans dessus. Et, Et la veille du concours, donc ça veut dire qu'il était 2-3 heures du matin et moi j'attaquais le concours à 7 heures du matin, c'est ça la veille. Et j'avais plus assez de temps pour tout refaire. Donc mon corps a craqué, ma santé a craqué. Et j'ai ma famille et mon chef qui m'a dit, mais Cédric, il faut que tu présentes quand même si c'est pas parfait, présente. Et j'ai pas pu y aller. Psychologiquement Non, je tenais plus et j'ai craqué et j'ai complètement arrêté les concours ce jour-là. C'était mon dernier concours de pâtisserie avant ma carrière. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là où ta pièce, t'as pas pu la montrer? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ça a été une déception énorme de ma carrière. Je me suis dit, je deviendrai jamais un bon pâtissier parce que je voyais beaucoup de pâtissiers qui réussissaient, qui faisaient des concours, qui arrivaient premier, on parlait d'eux et tout. Et moi, j'avais beau travailler tant que je voulais, on parlait jamais de moi. J'avais jamais de retour. je me suis dit, j'y arriverai jamais. Donc, j'étais pas à deux doigts d'arrêter mon métier, mais je me suis dit, quoi faire? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir, en fait? On va dire que c'est une grosse remise en question physiquement et mentalement et en tant qu'homme et en tant que chef à se dire qu'est-ce que je veux aujourd'hui. J'ai voulu être ça et je n'ai pas réussi. Donc comment je vais pouvoir être ce que je veux, mais autrement? C'est comme ça que j'ai vu les choses. Et je me suis posé la question que si j'allais dans une école pour faire des concours et il y a des gens qui nous coachent et qui aiment faire les concours, ou alors j'arrêtais les concours et je travaillais différemment pour ma carrière, à moi vraiment, à apprendre à faire des desserts, à travailler vraiment, à savoir faire des desserts et non des concours. Les concours, c'est très professionnel. C'est seulement les professionnels qui connaissent. Et je me suis dit, Cédric, tu vas commencer à travailler sur ta carrière. Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là, ce moment-là? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, on tombe et on rebondit forcément et tu t'es dit, allez, il faut que je me remette en selle? Il n'y a pas un moment que je me suis dit... Cédric, c'est pas grave. Il n'y a pas eu d'ampoule. Non, il n'y a pas eu d'ampoule, c'est pas vrai, ça serait des mensonges. C'est de la galère, beaucoup de galère, beaucoup d'attentes, beaucoup de... J'ai pleuré énormément, je ne voulais plus aller au travail, j'étais fatigué, vraiment fatigué parce que j'avais trop travaillé. J'avais craqué moralement, physiquement, j'étais allé voir des docteurs, j'étais vraiment à bout du bout. Et fur et à mesure, j'ai repris un peu de terrain, un peu d'assurance et j'ai dit, c'est au bout du bout. C'est qu'une pièce en chocolat. C'est clair. Voilà. T'as des petits tips qui t'ont aidé petit à petit? Je sais pas, est-ce que t'as fait du sport? Non, j'étais seul. J'ai dit, il faut que j'y arrive j'étais vraiment seul. J'ai pas eu des petites choses qui ont fait que j'ai envie de recommencer. C'est l'amour de mon métier, quoi. En fait, qui a fait que je me suis dit, petit à petit... Je vais trouver une autre solution, en fait. Je vais trouver une solution pour réussir. Voilà. Et alors, on parlait tout à l'heure, avant d'allumer le micro, on discutait de ce moment-là où tu t'es retrouvé face à un carrefour avec une option A et une option B. Est-ce que tu peux me raconter? Oui, alors suite à ça, en fait, d'autres événements dans ma carrière, mon objectif a été toujours, depuis tout petit, d'être un des meilleurs pâtissiers du monde. Ça, c'était mes objectifs. Je faisais rêver beaucoup de gens, tout le monde ou pas rigolait de moi. Mais c'était mon rêve de gosse, en fait, de faire des bons gâteaux. Et en fait, avec cet échec-là, je me suis dit, est-ce que je vais à droite? Je vais dans une école, chez Le Nôtre, par exemple, qui me demandait d'aller faire des concours qui s'appellent le meilleur ouvrier de France, de faire la Coupe du Monde, de faire vraiment spécialiste dans les concours. Où est-ce que je vais à gauche et je vais avec le Meurice et dans un palace et qui va m'apprendre à cuisiner, pâtisser et à travailler pour les clients, directement par des clients. Comme j'étais chez Fauchon à cette époque-là, je me suis dit, il faut que je prenne une décision. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis chez Fauchon, j'ai raté 2 de mes concours très importants dans ma carrière, même si ça se passait très bien dans mon travail. Mais ces concours m'ont fait réfléchir de prendre un virage complètement différent. Si j'avais tourné à droite, j'aurais été beaucoup plus de quelqu'un de chez concours et beaucoup moins pour les clients. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un très proche des clients. Donc, ça a été un moment de ma vie avec des choix importants, je pense, pour ma carrière et par rapport à ma réussite d'aujourd'hui. Ok. J'imagine que t'es pas déçu d'avoir pris ce virage-là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, je peux pas être déçu et ni à me dire peut-être que ça aurait été mieux à droite ou à gauche. C'est pas ça. Là. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je suis un homme heureux, un chef heureux. Je vis un rêve. C'était mon rêve de petit. Que j'ai tourné à droite ou à gauche. En tout cas, je suis dans mon rêve. Tu te seras fait plaisir quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Ouais. Je l'espère en tout cas. Mais pour l'instant, ça marche très très bien. En fait, c'est ce que j'aime dire, c'est par rapport à cet échec, par rapport à ce moment extrêmement dur dans ma vie, et ben tout ce plaisir que je récolte aujourd'hui, et ben je me dis chaque jour que j'ai beaucoup de chance de vivre ce que je vis, parce que je sais ce que c'est l'échec, je sais ce qui est dur dans le métier, et aujourd'hui de vivre ce que je vis, ben je me dis des fois j'ai des petites galères, et je me dis oh, ça passera. J'ai quand même cassé une pièce voilà. La veille finalement. Donc je me dis ça passera quand même, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais dire au Cédric qui vient de faire casser, enfin qui vient de voir la pièce complètement cassée et qui se dit que sa carrière est foutue, ouais. Et qu'il n'y arrivera jamais. Bah, c'est ce que je dis encore aujourd'hui à mes gars et ce que je dirais, je pense, à Cédric. C'est ne lâche jamais rien. Crois toujours en tes rêves et toujours à tes objectifs. Quand j'ai une idée dans la tête, j'ai du mal à la faire partir tant que je l'ai pas récoltée, cette idée. Et j'étais déjà comme ça avant, mais aujourd'hui je le suis 10 fois plus grâce à cet événement-là. Donc je lui dirais toujours, vas-y, avance et va chercher le meilleur. Ça t'a donné un mental de sportif en fait? Ouais, bah, de toute façon j'ai une base de sportif, je suis quelqu'un qui est très dynamique, qui aime profiter de la vie et qui aime bouger. Et mon métier, il est passionnant aujourd'hui parce qu'il bouge et parce qu'il y a des hauts et des bas. Et je pense que c'est dans la vie générale, si la vie est toujours plate, c'est pas très intéressant. Je pense que grâce à des moments difficiles, eh ben on profite beaucoup plus des moments heureux. Voilà. C'est grâce à ces moments difficiles que quand on se retrouve dans un moment qui est bien, qui est positif, que ben, ce moment-là que je suis en train de passer avec toi, eh ben, je me dis, grâce à cette pièce que j'ai cassée, ben, je peux parler avec toi et te raconter mon histoire. Pour précision, on est dans un salon absolument fantastique du Meurice. Oui, c'est ma chambre. Ouais, ben, elle est pas mal. J'aime bien la déco, les coussins surtout. Donc effectivement, je confirme, le moment est plutôt chouette. Voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup Cédric. Avec plaisir. De m'avoir donné du temps et merci de soutenir les jeunes initiatives comme les miennes. Ça fait toujours du bien de voir que des gens qui cartonnent donnent leur chance à ceux qui essayent aussi. Il faut, c'est important, c'est très important. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je me trouve dans un lieu qui est exceptionnel et qui mérite bien sa place dans cette introduction, le Meurice.